Just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Alone. Boop-boop-bidou. Il y a des jours où j'aimerais reprendre ma vie à l'envers. Comme on rembobine un enregistrement. Just you. Nobody else. C'est la mort but you. Ou la vie I wanna be qui fait revenir en arrière le film. Hello. Marilyn, dernière séance. Écrit et adapté par Michel Schneider. Dixième et dernier épisode. Remettre la bande à zéro. 4 août 1962. Si c'était un film noir, le plan d'ouverture cadrerait le vent. Rien d'autre. Le vent faisant ployer la cime des eucalyptus. Venu du désert Mojave, il a franchi les lacs alcalins desséchés, où la foudre a depuis toujours cristallisé le sable en baguettes de verre. Doux et chaud, il souffle depuis Ventura Boulevard, a caressé Beverly Hills, Sunset Boulevard, Santa Monica, et frôle maintenant Brentwood, avant de se perdre un peu plus loin, vers la mer. La nuit du samedi au dimanche est aussi calme que les autres. Vers 3 heures du matin, la fille du psychanalyste de Marilyn Monroe, Joanne Grinson, entend le téléphone sonner dans la chambre de ses parents. Sentant une petite faim, elle va à la cuisine faire une razzia dans le réfrigérateur. J'ai demandé à maman ce qui se passait. Il y a un problème chez Marilyn. Elle m'a répondu qu'il y avait un problème chez Marilyn. Va te coucher. Je me suis contentée de faire « oh ». Puis je suis retournée me coucher. Peu avant l'aube, le sergent Jack Clemens est de faction au poste de police de Purdue Street. LAPD, commissariat de West Los Angeles, sergent Clemens, j'écoute. Docteur Ayman Engelberg, Marilyn Monroe est morte. Elle s'est suicidée. Qui avez-vous dit que vous étiez ? Je suis le docteur Ayman Engelberg, le médecin de Marilyn Monroe. Je me trouve chez elle. Elle vient de se suicider. Donnez-moi l'adresse. 12305 Fifth, Helena Drive. J'arrive. Remettre la bande à zéro. Si c'était un film, le scénariste aurait finalement modifié la scène en la centrant sur le personnage de Ralph Grinson. LAPD, commissariat de West Los Angeles, sergent Clemens, j'écoute. Marilyn Monroe est morte d'une surdose. Quoi ? Marilyn Monroe est morte. Elle s'est suicidée. Qui êtes-vous ? Son psychiatre, le docteur Grinson. C'est pas une plaisanterie. En descendant San Vicente Boulevard, Clemens demande par radio à une voiture de patrouille de le rejoindre au 12305 Fifth Helena Drive. Il parcourt les rues désertes jusqu'à Carmelina Avenue et tourne dans la courte impasse. Le numéro correspond au bout de la rue. Il entre dans la maison, pénètre dans une chambre, voit un corps en travers du lit, un drap rabattu sur la tête, ne laissant visible qu'une mèche de cheveux blond platine. Dans la position du soldat, la tête dans un oreiller, jambes allongées, toutes droites, dira Clemens. Il pense immédiatement qu'on a dû intentionnellement la placer ainsi, en travers du matelas, le téléphone près de la main, à plat ventre sur le cordon du combiné. Si c'était un film, le plan de l'ambulance transportant le corps de Marilyn recouvert d'un plastique blanc serait suivi d'un fondu au noir, sur lequel apparaîtrait en lettres blanches 3 mois plus tôt. Le montage ne serait pas achevé, et on verrait à l'écran le clap de l'assistant. Quelque chose doit craquer, et en sous-titre, Marilyn dernière. Le film qui défilerait aurait la présence harassante des images de rêve, chargées d'un trop de réalité. Son éclairage et son grain posséderaient un rayonnement étrange, au-delà de ce que peut rendre une caméra. Marilyn y apparaîtrait comme un fantôme, un funambule qui sait à présent qu'il peut tomber. Cher docteur Grinson, Par la fenêtre de l'hôpital, je vois la neige recouvrir la verdure. Je vois l'herbe et les frêles buissons à feuillage persistant. Mais les arbres m'attristent. Les branches nues et lugubres annoncent peut-être le printemps et promettent l'espoir. Avez-vous vu les désaxés ? Dans l'une des scènes, on peut se rendre compte combien nu et mystérieux est parfois un arbre. Comme j'écris ces lignes, quatre larmes muettes ont coulé le long de mes joues. Je ne sais pourquoi. Je n'ai pas dormi de la nuit. Parfois, je me demande à quoi sert la nuit. Pour moi, ce n'est qu'un affreux et long jour sans fin. Remettre la bande à zéro. Depuis la terrasse, à travers une vitre étoilée, on voit l'intérieur d'une maison banale de style mexicain, une chambre au mur vide. Une femme sous un drap, nue, trop blanche. Autour d'elle, les draps forment des angles d'ombre comme les blocs d'écume d'une vague retombée. Un homme debout, figé. Il ne pleure pas et s'avance d'un pas décidé. Il desserre la main crispée sur un téléphone et repose le combiné sur son support près du lit. La bouche est entrouverte. Sa bouche était toujours ouverte. Il ne l'avait jamais vue close sur aucune photo. Les yeux. Les yeux, il ne les voit pas. Il sait qu'ils sont fermés. Il veut qu'ils soient fermés. Que le bleu de ce regard flottant dont il n'était jamais venu à bout, surtout quand il avait désespérément besoin de le déchiffrer, que ce bleu enfin se taise. La femme s'appelle Marilyn Monroe. L'homme, Ralph Grinson. C'est son psychanalyste. Il ne peut même pas la regarder. La lumière a tout mangé en elle. Le blanc. Son corps n'est qu'une flaque aveuglante, une étoile de chair, inexistante à force de briller. Grinson pense qu'être le premier à avoir vu une femme morte est une victoire aussi amère que de se dire qu'on est le premier à l'avoir vue nue. Quand il quitte la maison, une fois le corps déposé sur un brancard et transporté à la morgue par une ambulance silencieuse, il remarque sur le pavé, à l'entrée de la maison de Marilyn, une plaque à laquelle il n'avait jamais prêté attention, avec une inscription en latin, « Cursum perficio ». Des années plus tard, il en retrouva la source. Dans le Nouveau Testament, saint Paul dit à Timothée, « J'ai fini ma course ». Ce matin-là, Grinson sourit en pensant que elle n'avait pas fini sa course quand on l'avait emmenée pour l'autopsie, mais que lui avait fini la sienne. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Je sens la vie de plus en plus proche, alors que ce que je veux, c'est mourir. L'autopsie de Marilyn eut lieu au Los Angeles County Coroner's Mortuary à 10h30 le 5 août. On avait ramené la dépouille depuis la morgue, où les employés avaient résisté à toutes les propositions de photographier le corps le plus célèbre du monde. Certaines offres atteignaient 10 000 $. Les services du coroner, eux, furent moins intransigeants. Le dimanche soir, l'autopsie terminée, Lee Wiener, photographe de Life, se fait ouvrir le casier numéro 33 et prend des clichés de Marilyn éviscérés pour les besoins de l'enquête. Mourir, c'est aussi ça. Devenir une chose, une marchandise, un morceau non de chair mais de viande. Marilyn est une dernière fois réduite à ce qu'elle avait voulu désespérément cesser d'être, une image. Je traîne Marilyn Monroe partout, comme un albatros ses ailes. Il n'y avait aucune chaleur humaine à Payne Whitney. Et cette clinique m'a fait beaucoup de mal. On m'a mise dans une cellule. Une vraie cellule en béton et tout, pour les grands agités. Les grands dépressifs. Mais j'avais l'impression d'être enfermée pour un crime que je n'avais pas commis. J'ai trouvé ce manque d'humanité plus que barbare. On m'a demandé pourquoi je n'étais pas bien là-bas. Tout était sous clé. Il y avait des barreaux partout, autour des lampes électriques, sur les armoires, aux toilettes, aux fenêtres. Et les portes des cellules étaient trouées de petites fenêtres pour que les patients soient toujours exposés à la vue des surveillants. Il y avait aussi le sang et les graffitis des patients précédents. Je leur ai répondu « Il faudrait que je sois cinglée pour me plaire ici. » On m'a demandé de me joindre aux autres patients, d'aller en ergothérapie. « Pourquoi faire ? » ai-je demandé. « Vous pourriez coudre, jouer aux dames, aux cartes, ou même tricoter ?» Je leur ai expliqué que le jour où moi je pourrais faire cela, ce ne sera plus moi. Ils n'auront plus rien entre leurs mains. Ces choses sont au plus loin de moi. Ils m'ont demandé si je me pensais différente des autres patients. Et je me suis dit que s'ils étaient assez stupides pour poser de telles questions, je leur ferais une réponse toute bête. Oui, je le suis. Je ne suis que celle que je suis. Quand je m'entends vous écrire ça, je souris maintenant. Parce que vous savez bien que je ne sais pas du tout qui je suis. Et que le jeu d'échecs me passionne parce qu'on ne sait qu'au dernier coup quelle partie se jouait. 8 août 1962, 1h de l'après-midi. Le révérend A.J. Soldan conduit la dépouille de Marilyn Monroe à la chapelle mortuaire. « Comme le Créateur la fit belle », prêche-t-il. Le service est ouvert par la 6e symphonie de Tchaïkovski, puis des psaumes sont récités. Lee Strasberg prononce l'éloge funèbre. Le clic-clac des obturateurs et le ronronnement des caméras de toutes les actualités du monde couvrent les conversations. Le spectacle est pauvre. Seuls les proches ont été admis. L'ordonnance de la cérémonie organisée par Joe DiMaggio prévoit que personne parmi les gens de cinéma ne pourra y assister. Aucun producteur, directeur de studio, acteur, cinéaste. Il joue son rôle jusqu'au bout. Celui de garde du corps que Marilyn lui avait assigné une fois pour toutes lorsqu'ils s'étaient rencontrés 10 ans plus tôt. Son corps, elle lui en avait donné la garde pour qu'elle ne s'y abîme pas. Marilyn aurait été contente d'apercevoir Ralph Grinson, les traits figés mais l'œil sec, accompagné de sa femme et de sa fille Joanne. Il y avait des centaines de reporters et photographes. Au début, on ne nous a pas permis d'entrer dans la chapelle parce que, a dit l'employé des pompes funèbres, la famille était avec la défunte. Quelle famille ? Si elle avait eu vraiment une famille, nous n'aurions sans doute pas eu besoin d'être là. Quelquefois, il m'arrive de me dire que j'aime mieux penser à la mort qu'à la vie. C'est tellement plus simple, la mort, en un sens. Vous ne trouvez pas ? On y entre, et on sait qu'on a presque toutes les chances de ne trouver personne de l'autre côté de la porte. Tandis que dans la ville, il y a toujours les autres. Ou quelqu'un d'autre. Et quand vous entrez, ce n'est jamais par votre faute. Quant à en sortir... Vous connaissez un moyen de vous sortir des autres ? Une brève file d'hommes et de femmes en noir. Un ciel presque blanc. Si elle avait pu voir le film de ses obsèques... Elle aurait une dernière surprise. Parmi ses amants et ses 3 maris, un seul avait fait le voyage et apporté des fleurs, Joe DiMaggio. 3 fois par semaine, durant 20 ans, il fleurira la plaque. Il le lui avait promis. Une cérémonie fausse et triste comme un jouet tombé d'une poussette. Un passant le ramasse et le pose délicatement sur un mur où personne ne viendra le chercher. quelque chose à quoi les gens présents cherchaient en vain à redonner du sens. Une image que les mots ne pourront ni décrire ni effacer. Depuis que vous m'avez accueilli chez vous et permis de rencontrer votre famille, j'ai pensé que ce serait bien d'être votre fille, au lieu de votre patiente. Je sais bien que c'est impossible tant que je suis encore votre patiente, mais une fois que vous m'aurez guérie, peut-être que vous pourrez m'adopter. Du coup, j'aurai le père que j'ai toujours voulu avoir. Et votre femme que j'adore. 8 août 1962. Pourrait devenir ma mère. 5 heures de l'après-midi. Ralph Grinson a décidé de faire entendre à l'enquêteur John Miner les bandes que Marilyn a enregistrées pour lui quelques jours avant sa mort. Et c'est beau d'y penser. J'imagine que vous savez que je pleure. Ce serait mieux que j'arrête. Vous étiez très lié à elle, docteur. Comment réagissez-vous à sa disparition? Vous ne comprenez pas. Je l'ai aimée. Je ne l'ai pas aimée. Je ne l'ai pas aimée d'amour. Je l'ai aimée comme on aime un enfant. Malade, un enfant malade. Pour ses failles, ses peurs. Sa peur me faisait peur. Sa peur plus grande qu'elle, sa peur qui lui servait de refuge. Sa peur que j'ai cru pouvoir accueillir, contenir, apaiser. Vous ne pouvez pas comprendre qu'elle m'a à la fois libéré et condamné. Je l'ai perdue au moment où elle m'avait presque rejoint. Le langage bougeait en elle. Elle me parlait, enfin, après presque 3 ans où elle n'avait fait que parler devant moi. Elle regardait la vie en face et non plus cette route noire en arrière d'elle-même. Qu'est-ce que vous gardez d'elle? Ce que je garde d'elle, je vais vous dire, pas son image dont je devais détourner les yeux et qui me faisait mal, comme seule peut le faire la beauté. Non, pas son image, sa voix. Cette voix mélancolique de fantôme chantant 2 refrains de « Happy birthday to you, Mr. President ». Je l'ai réentendu hier sur les images que toutes les télévisions ont rediffusées. Vous savez, en psychanalyse, nous n'avons affaire qu'à des voix. Ce n'est pas pour rien que Freud a inventé ce dispositif étrange qui sépare le corps du patient en deux. D'un côté, son image, son volume, sa façon d'occuper l'espace. Et de l'autre, sa voix, portée à notre oreille, et qui marque sa trace dans le temps, d'autant mieux que l'image est absente. Une analyse, c'est un peu comme le cinéma d'avant le parlant. Des scènes muettes suivent les intertitres sur fond noir. Les mots font naître les choses. C'est pas pour rien que j'ai été si réticent devant les films qui voulaient montrer la psychanalyse. Donner à voir l'invisible travail des mots. C'est pas pour rien non plus. Le destin fait bien les choses. Si nous n'avons comme trace de Freud que d'un côté, des images sans parole, des heures de pellicule muette, et de l'autre, des entretiens enregistrés pour la radio. C'est pas pour rien que ces bandes, Marilyn Monroe les a enregistrées dans le noir, la nuit, et qu'elle n'a pas utilisé ces séances pour dire ces choses alors que je voyais son image. Marilyn savait ça. Le réel est dans la voix quand elle se délie des images. Un jour, elle m'a dit: il n'y a pas besoin d'utiliser sa voix dans un mode spécial. Si vous pensez à quelque chose de sexuel, la voix suit naturellement. En fait, elle avait deux voix. Celle de ses films, apprise, conquise, ce murmure haché, ce souffle désarticulé qui franchit les lèvres comme on sort du sommeil à bout de rêve. Et puis l'autre, qu'elle prenait hors écran, posée, plus claire. Dans ses séances, elle passait de l'une à l'autre. Mais vers la fin, elle n'utilisait plus sa voix d'actrice. Même dans son dernier film, elle garde à l'écran sa voix de ville. En elle, depuis le début, s'est joué un drame entre la voix et la peau. Elle croyait que sa peau, seule, vue, touchée, meurtrie, pouvait parler. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais, au risque de vous choquer, je crois qu'elle allait mieux les derniers temps. Mais, je vous ennuie avec mes histoires. Je vous laisse seul avec elle. Avec sa voix sans image. Moi, je vais retourner à mes patients. Écoutez, réécoutez ces bandes. Prenez des notes si vous l'estimez utile, mais ne les emportez pas. Sans un mot, Miner s'installa dans un fauteuil, face à la baie vitrée qu'éclairait le couchant. Marilyn était enfin hors de vue. On pouvait entendre ses vérités sans les voiler par le regard que sa beauté appelait toujours. L'enquêteur allait passer et repasser la dernière bande. Il appuya sur la touche « Rewind ». C'était Marilyn Dernière Séance, écrit et adapté par Michel Schneider. 10e et dernier épisode. Avec Clotilde Morgiev, Marilyn Monroe, Georges Kless, Ralph Grinson, Mohamed Rouabi, le narrateur, Johanna Nizar, la narratrice, Léonie Pinjot, Johan Grinson, Daniel Lopez, Hildy Grinson, Patrick Larzy, Dr. Hyman Engelberg, Roland Timsit, Sergent Jack Lemons, Bernard Waver, John Miner. I can hear the river call. No return, no return, Bruitage, Patrick Martinache. Recherche d'archives, Julie Amint. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Sylvain D'Angoise. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Juliette Eman. Marilyn Dernière Séance de Michel Schneider est publiée aux éditions Grasset. Gone forever down the river of no return.